Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Joséphine Baker, la femme de combat derrière la vedette de Music Hall. Ça m'a toujours gêné, ce mot vedette. J'ai jamais aimé ça parce que j'ai jamais voulu me croire. J'ai jamais voulu croire que j'étais une personnage importante. Joséphine Baker à l'émission Le sel de la semaine en 1968. Vedette, oui, elle l'a été, une immense vedette. On dit que Joséphine Baker a été la première femme noire à accéder au rang de star en Europe. Mais grosse tête, non, elle ne l'a jamais été. En fait, derrière l'icône, le symbole sexuel du Paris des années 20 et 30, derrière l'émoi et le scandale que va créer Joséphine Baker en dansant lascivement avec sa célèbre ceinture de banane autour de la taille, de fait, cette femme-là sera une femme engagée, engagée dans la résistance française, engagée dans le combat des droits civiques des Noirs aux États-Unis, engagée enfin pour un monde où les hommes et les femmes de toutes les couleurs et de toutes les religions cohabiteraient ensemble dans la plus parfaite harmonie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, par la porte ouverte nous arrive maintenant une des plus grandes vedettes du Music Hall international, Joséphine Baker. Bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir. Et maintenant, pour vous, j'ai deux amours. La, la, la, la, la. Mon pays et Paris. Quand elle chante « J'ai deux amours, mon pays et Paris », c'est parce que Paris a été le lieu de sa réalisation. Mm-hmm. Et elle a d'ailleurs, vous savez qu'elle a choisi de se fixer en France. Elle a rencontré le premier blanc qu'elle ait aimé sans rancune et sans esprit de vengeance. C'était Jo Bouillon, un chef d'orchestre de jazz. C'était encore une époque où quand elle débarquait avec un homme blanc à New York, il n'était pas admis au même hôtel. Mmh. Alors donc, elle retombait d'un Paris beaucoup plus tolérant, oui, à la ségrégation américaine qui, à cette époque-là, était encore très grande. C'est d'ailleurs très beau quand elle est arrivée, donc le lendemain, tout Paris parlait d'elle. Et un journaliste que j'ai rencontré me dit, je suis allé l'interviewer dans un petit hôtel à Montmartre, et je dis, avec quelqu'un qui fait la traduction, et il lui dit, mais que pensez-vous? Vous êtes la star de Paris en une nuit, qu'est-ce que vous dites? Oh yes, oh yes. Et avec des larmes dans les yeux, Joséphine lui dit, mais enfin, dites-moi, qu'est-ce qui a été le plus important? Qu'est-ce que vous vous rappelez? Et avec des larmes, et d'une façon très naïve, Joséphine lui répond, c'est la première fois que j'ai été invité à une table avec des Blancs. Sans blague. Car après le dîner, Rolf Desmarais, le propriétaire du Théâtre des Champs-Élysées, avait fait un grand dîner. Et naturellement, à la table d'honneur, parmi tous les grands Parisiens, tout le monde était là, Joséphine était invitée. Mon pays. Joséphine Baker interprétant son plus grand succès « J'ai deux amours » à l'émission de Jacques Normand « Porte ouverte » en 1955. Et sur l'air de « J'ai deux amours », vous entendiez l'historienne et auteur Dominique De Santi à l'émission « Les belles heures » en 1985, suivi de Jean-Claude Bouillon Baker, l'un des fils de Joséphine Baker à l'émission « Déjà 20 ans » en 1983. Autant d'extraits qui nous montrent le lien très fort et l'amour qui unissait Joséphine Baker à Paris et à la France. Pour nous raconter l'incroyable parcours de Joséphine Baker, je reçois trois invités. Jean-Pierre Leglonec, qui est professeur au département d'histoire de l'Université de Sherbrooke, un habitué de l'émission spécialiste de l'histoire des Noirs. Jean-Pierre Leglonec, bonjour. Bonjour. Stanley Péan, autre habitué de l'émission, animateur de l'émission Quand le jazz est là, ici Musique. Stanley, bonjour, merci d'être là. Bonjour, Jacques. Et en France, nous rejoignons à Périgueux, Angélique Delabarre, qui est propriétaire du château des Milandes, où a vécu une trentaine d'années Joséphine Baker. Angélique Delabarre, bonjour. Bonjour, Jacques Beauchamp. Et je commence avec vous, Madame Delabarre. Je vous demanderai dans un premier temps, tous les trois, de me raconter un peu votre rencontre avec Joséphine Baker. Comment ça se passe dans votre cas, Angélique Delabarre? Comment Joséphine Baker, c'est assez particulier, est entrée dans votre vie? Alors, elle est entrée lorsque j'ai réussi à comprendre à l'âge de 4 ans que j'habitais devant le château de Joséphine Baker, en fait. Oui. C'est-à-dire que je suis née à Sarlat, qui est une ville à 16 kilomètres du château, et nous vivions entre Sarlat et donc Beznac, qui est un petit village en face du château. Et mes parents m'ont tout de suite exprimé leur plaisir à avoir ce château devant les yeux, et surtout m'ont toujours dit, voilà, quand on est dans cette vallée, on vit avec l'image permanente de Joséphine Baker. Ouais. Alors, j'ai des parents extraordinaires parce qu'ils ne sont pas du tout racistes, heureusement. Enfin, vous allez me dire, ce n'est pas extraordinaire. Mais si, malgré tout, si, puisque moi, ils m'ont élevée avec cette idée que tous les gens, toutes les couleurs peuvent se rassembler et que chacun apporte évidemment quelque chose dans la vie des autres. Ouais. Bon. Donc, et donc, Joséphine est rentrée dans ma vie comme ça. Voilà. Très, très tôt. Et c'est devenu une très, très belle histoire parce qu'elle est entrée très tôt dans votre vie. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes propriétaire de ce château des Milandes où elle a vécu et c'est devenu un musée que vous dirigez maintenant. Oui, c'est ça. C'est que la deuxième rencontre extraordinaire a été en 2001 lorsque ma mère est tombée folle amoureuse du château alors qu'on y habitait en face depuis 40 ans. Et elle a eu un coup de cœur et elle m'a confié ce château. Et pour moi, ça a été une révélation après quelques années d'étudiante. Et donc, Joséphine est rentrée dans ma vie vraiment en 2001, réellement. Ouais. Voilà. Et vous êtes maintenant, puis on y reviendra plus tard dans l'émission, mais un peu gardienne de son héritage, de sa mémoire. Stanley Péan, comment ça s'est passé pour vous? De quelle manière vous l'avez découverte, Joséphine Baker? Moi aussi, c'est lié à ma mère, à vrai dire. Ma mère qui avait les disques de Joséphine Baker, qui les faisait tourner quand j'étais jeune et qui chantait à l'unisson avec elle. Donc, c'est d'abord la musique de Joséphine Baker. Ensuite, on découvre que c'est ce personnage de noire américaine qui a vécu en France et qui a été cette grande dame dans l'histoire du peuple noir, tant pour les Français que pour les Américains. Passage obligé pour vous. Absolument, ouais. Absolument. Moi, jeune noir qui grandit à Jonquière, donc ça fait partie comme dans la cosmogonie des figures importantes qui sont liées, bien sûr, à l'art, ouais. Bien sûr, à la culture. Jean-Pierre Ledelenec, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Qu'est-ce qui vous intéresse chez elle? Je dirais qu'on n'écoutait pas Joséphine Baker à la maison, mais je l'ai vue sans la voir pour la première fois en 1988. 1988, François Mitterrand se propose pour être réélu président de la République française et un de ses clips publicitaires retrace l'histoire de la France, de la Révolution française jusqu'à nos jours. Alors il y a des micro-clips qui prennent des microsecondes et on voit l'histoire de la France défiler devant nos yeux sans effets spéciaux. On est en 1988 et parmi tous les clips qui sont montrés de la Révolution française en passant par les deux guerres mondiales du XXe siècle, il y a au milieu Joséphine Baker. Elle est montrée au moins à 4 reprises. Alors on la voit seins nus en train de danser, on va y revenir bien sûr. Mais donc je l'ai vue pour la première fois en 1988, j'avais 11 ans, sans la voir. J'ignorais complètement son existence et je l'ai redécouverte plus tard lorsque j'ai commencé à enseigner l'histoire d'Haïti et l'histoire des Amériques noires. Ouais. Donc attaquons-nous avec vous trois à ce parcours assez formidable, à cette carrière aussi assez formidable de Joséphine Baker. Parlons un peu des origines d'abord. Angélique Delabarre, elle naît à Saint-Louis le 3 juin 1906, parce que ça part de là, ce parcours très singulier, cette manière dont elle va réussir à se distinguer, ça remonte déjà au milieu duquel elle est issue dès sa naissance. Parlez-moi de ça, de quel milieu est-elle issue, quel genre d'enfance aura la petite Joséphine? Oui, elle est d'un milieu finalement assez simple, mais avec des gens intelligents qui vont vite lui faire comprendre que dans la vie, il faut travailler. Mais surtout, alors malheureusement, son père ne la reconnaît pas. Elle a 2 ans lorsqu'il part de la maison. Et je crois que ça l'a marqué toute sa vie. Et puis, en réalité, alors sa mère est très noire de peau, d'origine africaine. Et son père est d'origine espagnole. Il s'appelait Eddie Carson, mais on n'est pas vraiment sûr que ce soit son père en réalité. Et lui était très métissé. Donc on a une Joséphine qui est métissée, qui est métisse, et qui va dire qu'elle aura souffert toute sa vie de n'être ni noire ni blanche, parce qu'elle disait que les blancs ne l'acceptaient pas, les noirs non plus. Et voilà, donc ça a été un souci, un gros souci pour elle. Et puis, il n'y avait pas de père au-dessus à la maison. puisque sa mère se remarie avec un homme peu intéressant, oui. un alcoolique. Alors, elle aura un frère et deux sœurs, mais heureusement, ça la rattache à une famille. Et puis, ce qui la rattache à une famille, c'est aussi sa grand-mère, sa tante, qui en fait lui font lire petite beaucoup d'histoires, de contes de fées notamment. Elle parle des châteaux et elle a envie de connaître les châteaux en Europe. Même si, dans les faits, c'est une enfance très pauvre. Bon, le père qui disparaît très vite, elle travaille très, très, très jeune. Elle va devoir travailler. Dès l'âge de 8 ans, elle travaille. Donc, un milieu pauvre. Et puis, la danse qui va arriver assez rapidement aussi, Angélique Delabarre. Oui, alors, dès l'âge de 8 ans, en fait, 9 ans, elle crée des spectacles dans la cave de sa maman. Elle trouve ça très amusant. La maison était sur la terre battue, quasiment. Et en fait, elle gagne... Alors, c'est pas de l'argent, mais elle s'amuse. Et puis, un jour, eh bien, elle a l'opportunité, en fait, de rentrer dans un théâtre à Saint-Louis, au Booker Washington Theatre. Mmh. Et là, elle propose ses services de danseuse, parce qu'elle pense qu'elle a du talent, et elle a envie de s'amuser. Et donc, le directeur du théâtre va lui dire « Non, ma petite, là, tu es trop jeune, c'est pas possible, tu as 12 ans, alors là, à ce moment-là, elle a 12 ans, et on va quand même lui proposer d'aider les artistes à s'habiller. Donc, elle devient habilleuse pour le Booker Washington Theatre. Et c'est comme ça que ça va commencer. Voilà, parce qu'auparavant, elle essaie de travailler dans des familles de blancs, mais ça se passe très mal. Ouais. Il est dit à plusieurs reprises qu'elle reçoit une casserole d'eau bouillante sur la cuisse. Et surtout, elle a pas envie de travailler comme ça. C'est-à-dire que, voilà, elle a envie de faire quelque chose qui lui fait plaisir. Ouais. Jean-Pierre Delaunay, un petit mot pour qu'on comprenne bien de quel milieu on parle. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça veut dire d'être une gamine à Saint-Louis dans ces années-là, au début du 20e siècle, une gamine noire? Ben, grandir à Saint-Louis à partir de 1906, c'est grandir dans tout sauf un conte de fées. Saint-Louis et le Sud riment avec ségrégation, discrimination et violence. Le début du 20e siècle pour les Noirs américains qui habitent dans le Sud, c'est le lynchage. Enfin, les lynchages se multiplient dans les années 1900-1920. Alors, Joséphine Baker, d'ailleurs, dira plus tard qu'en quittant Saint-Louis, elle quitte l'enfer. Oui. Et cet enfer est symbolisé par les grandes émeutes raciales de Saint-Louis en juillet 1917, lors desquelles plusieurs dizaines de Noirs sont battus à mort, lynchés par une population blanche qui reproche aux Noirs d'exister, tout simplement. Donc, on est loin du conte de fées. Oui. Et quand elle quitte Saint-Louis, quand elle quitte cet enfer, c'est pour tenter sa chance à New York. There's just one fellow for me in this world. Harry's his name. That's what I claim. Why, for every fellow there must be a girl. I found my name, my kindness of name. Un jour, je me suis dit, moi-même, moi, je veux faire du théâtre. Et maman m'attendait à la maison après l'école, de temps à autre, comme ça m'arrivait d'y aller, parce que je n'allais pas si souvent. C'était toujours en retard, alors. Et alors, au lieu de prendre, n'est-ce pas, le chemin de la maison, je n'ai plus le chemin de New York. Et c'est comme ça que je suis échappée de chez moi pour aller sur la scène. Vous avez eu des débuts difficiles à New York? Eh bien, non. Figurez-vous que j'ai eu de la chance tout de suite parce qu'il y avait le premier spectacle, comédie musicale de couleur. C'était Shuffle Along. Sur la chanson « I'm just wild about Harry » tirée de la comédie musicale « Shuffle Along », vous entendiez Joséphine Baker à l'émission « Le sel de la semaine » animée par Fernand Seguin en 1968. Qu'est-ce qui pousse Joséphine Baker à quitter Saint-Louis pour aller vivre à New York, Angélique Delabarre? Alors, c'est un vent de liberté. Elle a envie de partir de la maison. Surtout, elle épouse à 14 ans son premier mari, mais elle n'arrive pas à quitter effectivement Saint-Louis. Donc, elle va réellement quitter Saint-Louis lorsqu'on lui propose de partir pour une tournée avec le Booker Washington Theatre. Mais alors, c'est vrai que c'est un... Il y a une période assez longue parce qu'elle commence à 14 ans à danser pour ce théâtre parce qu'elle remplace un soir une danseuse qui tombe malade, tout simplement. C'est pas parce qu'elle a En fait, elle a eu cette opportunité, mais elle fait rire tout le monde, et donc elle quitte totalement la maison, oui, en 1921. Et alors voilà. Alors après, peut-être que vos invités aussi ont plus d'informations sur cette partie à New York, parce que moi, j'exprime toujours Chicago, New York. Elle part parce que c'est une femme libre. Elle a un deuxième mari avec lequel ça ne va pas durer. Il s'appelait donc Willie Baker, et cet homme veut la garder à la maison, à faire le ménage. Donc elle, ça ne lui plaît pas du tout. On peut l'imaginer aisément. On reviendra effectivement sur ses débuts à New York et ce spectacle qui n'est vraiment pas un spectacle ordinaire, Shuffle Along, dans un instant. C'est un épéant, mais un petit mot quand même pour revenir sur ce parcours, Jean-Pierre Ledlenec, que va faire Josephine Baker du sud vers le nord-est des États-Unis. Elle ne sera pas la seule. Beaucoup, beaucoup de Noirs à l'époque vont emprunter le même chemin. Oui, absolument, elle n'est pas la seule. Environ un demi-million de Noirs américains quittent le sud entre 1916 et 1920. Afin de travailler dans l'industrie de guerre, Détroit, Pittsburgh, et puis beaucoup évidemment se dirigent vers New York et Harlem, qui est un quartier de la classe moyenne juive, blanche dans un premier temps, qui au début des années 1920 traverse une crise immobilière, et puis peu à peu le quartier devient le quartier de la Renaissance d'Harlem, le quartier de la culture noire. Donc oui, elle fait partie de tous ces Noirs américains qui cherchent... C'est l'espoir qui se trouve au Nord-Est. Qui cherchent l'étoile du Nord. Oui. L'étoile du Nord ne se trouve clairement pas dans le sud de la ségrégation. Revenons sur ses débuts à New York, c'est un épéant, cette comédie musicale donc, à laquelle elle participe. 1921, le premier grand spectacle qui met en vedette presque une distribution complètement noire. Une première. Et c'est une première. C'est la musique de U.B. Blake, qui est un compositeur important dans le style ragtime, un style de jazz primitif. Et quand je dis primitif, je veux dire que c'est pas encore le jazz qu'on connaît aujourd'hui, mais voilà, ce sont des musiques syncopées, des musiques noires sur lesquelles danse et chante ses personnages qui vont devenir importants dans le showbiz noir. Il n'y avait pas que Josephine Baker qui va être lancée par cette comédie. Paul Robeson était de la distribution. Il y avait également Adelaide Hall qui était donc des noms qui vont rester importants dans le showbiz noir. Et même le théâtre est déségrégué. Alors vraiment, il y a une partie de l'auditoire qui est noire. Et les grandes vedettes de la musique américaine viennent écouter ça, notamment George Gershwin qui... quelques années plus tard, va composer Porgy and Bess et va présenter Porgy and Bess dans les mêmes conditions. Il aura une distribution noire, mais peut-être que l'idée lui est venue quand il a vu Shuffle Along. Donc quelques chansons vont s'imposer. I'm Just Wild About Harry, qu'on a entendu. Love Will Find a Way. In Honeysuckle Time. Ce sont quelques chansons qui nous restent de cette comédie-là. Et déjà, dans ce spectacle, Shuffle Along à New York, elle commence à développer ce personnage qu'elle va transporter de l'autre côté de l'Atlantique, qui va la suivre jusqu'à Paris. Parle-moi un petit peu de ce personnage-là. Comment décrire ce qu'incarne sur scène Josephine Baker? Elle incarne, d'abord, il y a la sensualité de son déplacement, de ses mouvements sur scène, mais c'est aussi, c'est un clown, Josephine Baker. Elle aime faire rire, elle aime cabotiner, et donc elle s'impose dans... C'est une comédie, cela dit, Shuffle Along. Une comédie, on est dans le vaudeville, des scènes plus ou moins dialoguées qui servent de prétexte à des numéros de danse et des numéros de chant, et donc c'est comme ça que cette femme très très drôle et très très sensuelle va triompher. Le clown qui devient de plus en plus sensuel, on pense à cette image, la ceinture de banane autour de la taille, elle n'en est pas encore là, ce n'est qu'à Paris que quelque chose comme ça pouvait exister à l'époque, ça aurait été un scandale terrible à New York, mais il y a cette manière de danser, cette manière d'utiliser son corps qui est déjà présente dans son œuvre. Et donc elle part à Paris, en 1925, où elle va triompher dans le spectacle La Revue Nègre. Sur la scène de Paris, j'avais peut-être un petit peu plus de confiance. Je me suis dit, cette fois-ci, il ne faut pas que ça soit raté. Alors je faisais des danses, ils appellent ça les danses sauvages, avec des plumes et tout ça, l'autre. Et avec un garçon africain qui s'appelait... Joey Louis, qui était très bien, un grand danseur. Et nous avons fait des choses ensemble et immédiatement j'ai eu du succès. Mais c'était assez bizarre parce que j'étais habituée des États-Unis où on sifflait de joie. Et là, on me sifflait. mais ce n'était pas pour les mêmes joies. Alors moi, le plus qu'on me sifflait, le plus que je dansais. Alors ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait. Et de là, j'étais tout de suite adoptée par la... par le public parisien, on avait pitié de moi peut-être, non, et non, on m'aimait assez bien, et à la jeunesse, parce que j'étais parmi eux, vous savez ce que c'est, on se tient ensemble, surtout quand on est jeune. Et alors, j'étais tout de suite adoptée, pas parée comme consacrée. Quand vous parliez d'humour, du fait qu'elle faisait rire Joséphine Baker, Stanley Péan, on en a un exemple formidable. Elle est vraiment très drôle. Extrait de l'émission Le sel de la semaine en 1968. C'est donc ce spectacle-là, la Revue Nègre, qui va très, très vite permettre à Joséphine Baker d'entrer dans la légende carrément. Parlez-nous de ce que ce sera, ce spectacle-là, Stanley. Elle fait scandale d'abord et la popularité viendra malgré le scandale. Alors, c'est quelque chose d'un peu fantasmatique, la Revue Nègre, parce que c'est l'Europe, l'élite européenne qui découvre ou qui se permet de découvrir l'Afrique à travers cette danse sauvage et tout ça. Et donc, il y a quelque chose qui est l'ordre du fantasme. Cette femme à demi-nue sur scène qui se trémousse et qui fait rire, qui fait des grimaces. Mais c'est de la danse aussi. Elle l'a dit, elle travaille avec un jeune danseur africain. Et donc, c'est à la fois tout ce qu'on ne peut pas faire si on est un Européen respectable, mais on s'encanaille, on embarque dans ce spectacle-là parce que, évidemment, quand je dis l'élite, il y a les cubistes vont s'emparer de ça. C'est l'époque où on découvre vraiment l'Afrique comme étant une source d'inspiration, comme étant une possibilité de créer de l'art, et elle incarne ça physiquement sur scène avec ses danses. Et ça, c'est important de le comprendre. Donc oui, quelque chose qui choque, mais en même temps qui plaît, et Jean-Pierre Ledelonec, un courant beaucoup plus large où on s'intéresse à l'Afrique, autant les cubistes, mais partout. Là, il y a comme un goût pour ça à cette époque. Arts primitifs, enfin, il suffit de penser à Picasso. On est vraiment dans les années 1920. Le mot fantasme, Stanley Payan, est extrêmement important. Les fantasmes par rapport à l'altérité coloniale ne sont pas nouveaux. En fait, on s'intéresse, on se fascine pour le corps noir, pour le corps exotique, pour le corps autre, pour le corps colonial, dès les années 1870-1880. Au Folies Bergères, en 1878, on représente un spectacle intitulé Les Terribles Zoulous. Quelques années plus tard, au Casino de Paris, 1893, 100 Dahoméens et 25 Amazones. L'exposition universelle de Paris en 1889 reproduit une rue du Caire. Et dans la rue du Caire, le soir, le Paris s'encanaille. Car dans cette rue du Caire reproduite à Paris, il y a un cabaret où l'on danse la danse du ventre. Ouais. Alors, la danse du ventre, c'est un peu la danse précurseur, finalement, je crois, de ce que Joséphine Baker fait lorsqu'elle arrive à Paris en 1925 au Théâtre des Champs-Élysées. On est dans une période qu'on appelle une période de négromanie. Tout ce qui est nègre, et il faut employer le terme nègre, car c'est le terme qui est employé dans les années 20 et 30, tout ce qui est nègre, que ce soit nègre antillais, nègre africain ou nègre, encore une fois, en provenance des États-Unis, fascine le Paris éduqué, fascine les cubistes, les surréalistes, les dadaïstes. Bref, le jazz et Paris vont de pair dans les années 1920. L'aspect sensuel, on l'a évoqué un peu cette année, mais quelle importance ça aura quand même, ce côté-là, dans le succès qu'elle aura, Joséphine Baker? Ben, elle incarne une femme désinhibée. Alors, il n'y a aucun complexe qu'elle pour est, Joséphine. De fait. Elle est ça. Elle est sur scène comme elle est dans la vie. Ouais. Et c'est nouveau pour une certaine bourgeoisie occidentale de voir quelqu'un comme ça désinhibé. Bien sûr, je le dis, c'est vu à travers le fantasme, on l'a dit, le fantasme du continent noir et du corps noir. Mais elle, qui arrive des États-Unis ou qui a été réprimée toute sa vie, tout d'un coup, elle devient cette méga star pour simplement être elle-même. Ouais. C'est pas quelque chose qu'elle a voulu construire, c'est quelque chose qu'elle est. Et en ce sens, elle annonce d'autres qui viendront après elle. Mais on pourrait dire que, sans être noire, Madonna, dans les années 80, représente exactement ce que Joséphine Baker était comme femme complètement libérée. Ouais. Racontez-moi un peu le voyage, d'une certaine façon, Angélique Delabarre. Comment elle se retrouve en France? Comment elle réussit à débarquer? Elle réussit à débarquer au Théâtre des Champs-Élysées quand même en 1925. Oui, c'est très amusant parce qu'elle prend le paquebot, elle arrive à Cherbourg et lorsqu'il s'agit de prendre le train, en descendant du train à Paris, les Blancs vont lui sourire. Donc vous en parliez tout à l'heure, pour elle c'est extraordinaire parce qu'elle sent qu'elle est acceptée et qu'elle va adopter réellement Paris et la France. Donc c'est un moment de joie pour elle de voir un Blanc qui lui sourit. Et ensuite, elle va louer un appartement dans Paris, elle va sortir évidemment tous les soirs, elle s'amuse beaucoup. beaucoup, elle n'est jamais aux répétitions quand il faut, mais elle s'amuse, vous l'avez très bien dit, elle a envie de s'amuser tout le temps, et moi je la trouve très amusante parce qu'elle est tout le temps à jouer la comédie, mais ouais. c'est elle, naturellement en fait. Ouais. Voilà. Jean-Pierre Dadelenec, encore là, un parcours qui est celui de Joséphine Baker, mais qui est celui de beaucoup, beaucoup de Noirs. Pourquoi autant de Noirs débarquent en France et à Paris à cette époque-là? Paris est un petit peu la Mecque de la culture noire dans les années 1920, avec Harlem, enfin bon, toute la période de la Renaissance d'Harlem. On estime que dans les années 20 se trouvent en France 3 à 5 000 Africains. Beaucoup d'entre eux sont d'anciens tirailleurs, donc des habitants des colonies françaises d'Afrique du Nord qui sont restés en France après la Première Guerre mondiale. Donc il y a les tirailleurs de la Première Guerre mondiale qui sont là, 3 à 5 000, environ 10 000 Antillais, et puis une cohorte extrêmement importante d'artistes noirs, danseurs, musiciens, Langston Hughes, le poète, est à Paris dans les années 20, Buddy Gilmore, le batteur, est également là, Gene Ballard, batteur également, pilote de chasse pendant la Première Guerre mondiale, le premier pilote de chasse noir, propriétaire de cabaret dans les années 20, et tout ce monde-là finalement se mélange avec les artistes, avec Apollinaire, avec Cocteau, avec Blaise Cendrars dans les années 20. Il y a une effervescence culturelle autour des cultures noires, qu'elles soient africaines, mm-hmm. antillaises ou américaines. Et les cultures noires représentent finalement tout ce qui manque à l'Europe. Ouais. L'Europe aurait la raison et les cultures noires auraient le corps, la passion, l'érotisme, bref, la création. Ouais. Parlons un petit peu de cette vie parisienne. Vous l'avez évoqué, hein, Angélique Delabarre, elle va s'amuser. Joséphine Baker, elle veut s'amuser sur scène, mais dans la vie. Elle va sur scène, donc, après la revue Nègre, devenir meneuse de revue aux Folies Bergères. Et si ce personnage de Joséphine Baker sur scène est plutôt déluré, sa vie sentimentale et privée ne sera pas triste non plus. En fait, parlez-nous de cette Joséphine Baker, l'amoureuse, la femme. Oui, alors la femme, c'est vrai qu'elle m'a toujours paru très sensuelle et a aimé tous les hommes, mais en fait, elle avait beaucoup d'amis aussi, beaucoup d'amis dans la gente masculine. C'est parce qu'elle rencontre énormément de gens. Elle a très vite eu un impresario qui s'appelait Pepito Abatino. Alors on lui a prêté une aventure avec lui, mais moi je pense qu'elle était, enfin c'était un ami. Pour, je crois que Pepito était très amoureux d'elle, ça c'est sûr. Ouais. Et ensuite il y a eu toute une succession de personnages, notamment Georges Simenon. Alors on lui prête une aventure avec Georges Simenon, avec Jean Cocteau, avec tout le Paris de l'époque. Moi, je suis un peu sceptique là-dessus quand même, parce que Joséphine avait quand même une certaine éthique. Quand je vois l'éthique qu'elle a eue après la guerre, je me dis qu'elle n'a pas pu coucher avec tous les hommes de Paris. Il faut arrêter ouais. avec ça. Ouais. Quand on a la vie qu'elle a eue, évidemment, elle s'est amusée, mais ce n'est pas parce qu'on s'amuse et qu'on sort le soir qu'on couche avec tout le monde. Ouais. Voilà. Stanley Payen. Ouais, mais Simenon, dans ses mémoires, prétend, lui, en tout cas, l'avoir eu comme maîtresse. Et il fait son éloge comme la femme qu'il a aimée, parce qu'elle était d'abord son secrétaire, Simenon, mais ils auraient été amants. Ouais. Simenon regrette beaucoup. Il dit, c'est un truc d'orgueil, il dit, elle était plus connue que moi, je ne pouvais pas admettre d'être monsieur Joséphine Baker. Ouais. C'est le problème qu'elle a eu toute sa vie d'ailleurs, avec les hommes en général, c'est qu'elle était au-dessus de tous ces hommes et donc ils n'ont pas supporté pour la plupart. Ouais. Relation homosexuelle, dit-on aussi, Angélique Delabarre, de Joséphine Alors Baker. Ça, moi, c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord, parce que évidemment, on peut avoir aussi des amies femmes, mais de là à coucher avec toutes ces femmes, non. Moi, Joséphine avait, comme je le disais, beaucoup d'amis. Elle sortait énormément, mais ça, c'est une pure imagination des journalistes. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, il y en a d'autres, dans la famille aussi, certains des enfants ne sont pas du tout d'accord. Mais voilà, moi, je vous laisse parler de ça entre vous, je n'en suis pas d'accord. Est-ce que c'est, je ne sais pas, parce que les noms qui sont cités, est-ce que c'est qu'on veut se rapprocher de la figure de Joséphine Baker? C'est peut-être que ça a participé à cette légende. Voilà. On parle de Colette, on parle de Frida Kahlo, c'est d'elle dont on parle. Oui, vous avez raison. Alors, beaucoup de gens veulent récupérer Joséphine Baker. Alors, il n'y a pas que le mouvement gay ou le... Mais, et là-dessus, je ne suis pas d'accord. Effectivement, Colette, était une amie, mais ça n'allait pas plus loin. Frida Kahlo aussi, mais moi je ne suis pas d'accord et on n'a pas eu un témoignage de Josephine Baker qui aurait dit elle était mon amante. Oui. Jamais. Donc voilà, c'est une imagination. Jean-Pierre Le Lemaire. Je ne veux pas trancher le débat, mais une chose est certaine, Josephine Baker, c'est l'incarnation de la nouvelle femme, N et F majuscules. Oui. On parle de ce concept ou de mythe d'une nouvelle femme dans les années 20 et 30. Elle a les cheveux courts, elle est libérée. Bref, elle agit comme elle le souhaite. Alors donc, peu importe ici ses affinités, et donc elle fait rêver. Ses rencontres, elle fait rêver parce que c'est la nouvelle femme, c'est un danger, ouais. Et en même temps, elle séduit. On va s'attaquer à la chanteuse. On l'a beaucoup entendu déjà chanter dans cette émission, mais il ne faut pas perdre de vue que qu'à partir des années 30, c'est d'abord et avant tout une danseuse, surtout, et au début des années 30, elle se met à chanter. On dit qu'on est là des mers, là-bas sur le ciel clair, il existe une cité, en séjour on chantait. Et sur les grands arbres noirs, chaque soir, vers elle s'en va tout mon espoir. J'ai deux amours. Cette chanson, J'ai deux amours, on y revient forcément, ce sera la grande chanson de Josephine Baker. Elle chante à partir de 1930. Angélique Delabarre, cette chanson-là, qui sera vraiment son grand succès, c'est plus qu'un grand succès pour elle, c'est une partie de sa vie. Qu'est-ce que ça représente pour elle, cette chanson-là? Ah, effectivement, elle arrive à Paris, comme on le disait, et elle est reconnue par les Parisiens et les Français. Et là, elle a besoin de chanter, donc au Casino de Paris. Henri Varnat et Vincent Scotto lui écrivent cette chanson extraordinaire qui, en fait, pour elle... Alors, elle a été un peu cataloguée aussi comme un petit oiseau des îles avec sa voix aiguë. Elle vient des colonies. Je sais qu'en France, la plupart des Français pensent qu'elle est des Antilles. Pas du tout, elle est bien américaine. Et donc, cette chanson, c'est une manière... d'être reconnue, évidemment, dans le monde entier. Mais moi, je crois qu'elle s'amuse et c'est un tremplin. C'est le début de sa carrière. Mais ce que j'aime dans le J'ai deux amours, c'est cette évolution de sa voix au cours de toute sa carrière. Et donc, j'aime beaucoup, moi, le J'ai deux amours des années 60, plutôt. Fin 59, ouais. à l'Olympia. Et voilà. Mais oui, c'est ce qui l'a fait connaître dans le monde entier, bien ouais. sûr. Un mot sur la chanteuse. Quel genre de chanteuse? Parce que c'est une artiste de scène, d'abord et avant tout. Quel genre de chanteuse ce sera Josephine Baker? Il y aura une évolution pour Josephine Baker. Ce n'est pas une très grande voix, il faut le dire. Elle est styliste, elle sait comment placer cette voix qu'elle a, elle sait comment dire les textes avec un maximum d'effets. Mais si on la compare, ne serait-ce qu'à Ella Fitzgerald, qui va arriver très, très rapidement, c'est pas du tout... Et qui aussi avait une petite voix de petite fille au début, c'est pas du tout le même rapport à la musique. Elle est beaucoup plus dans la variété, parfois un peu jazzée, ça n'est pas le cas ici, mais que dans le jazz à proprement parler. C'est pas quelqu'un qui a cette espèce de swing naturel qu'auront Billie Holiday, Sarah Vaughan ou encore Ella que je viens d'évoquer. Et c'est drôle, cette chanson, de l'entendre évoluer au fil des, mm-hmm. au fil des versions, parce que dans cette version-là, qui est une des toutes premières, elle dit « Ma savane est belle ». Alors, on est encore dans le fantasme d'elle comme africaine, ouais. ou en tout cas, alors que plus tard, ce sera « Manhattan est belle ». Ah oui. Ça évolue. Ben, puisque vous parlez de Manhattan, quelle belle perche vous me tendez. Elle est à Paris, elle devient une grande vedette, mais son pays d'origine, ça reste les États-Unis. Au milieu des années 30, Angélique Delabarre, elle va tenter un premier retour aux États-Unis. Qu'est-ce que ça va donner? Comment ça va se passer pour elle, ce retour aux États-Unis, ce premier retour aux États-Unis? Oui, en 1936, c'est beaucoup d'espoir. Elle met beaucoup d'espoir dans ce retour. Elle a très envie de revoir le peuple américain et de chanter pour les Noirs comme pour les Blancs, parce qu'elle a toujours voulu avoir un public mixte, bien sûr. Et le retour qui est organisé par Pepito Abatino, donc fin 1935, se passe très très mal, en fait. C'est-à-dire qu'elle est assez mal accueillie par les Blancs américains. Elle souhaite chanter, comme... Et en fait, j'ai découvert récemment... le journal le New York Times qui disait, voilà, ils l'interviewent et ils disent qu'elle se sent totalement seule dans Harlem et qu'elle est abandonnée par son peuple. Voilà, elle se sent abandonnée. Ouais. Arrive la Seconde Guerre mondiale et là va s'ouvrir vraiment tout un nouveau chapitre de la vie de Joséphine Baker. Je faisais mon devoir, vous savez, comme vous autres, reste, parce que j'ai rencontré pas mal. Vous n'avez pas d'ennemis sur le territoire, remarquez. Ah ben non, mais quand même, j'ai rencontré bien des Canadiens parmi tant de personnes qui a voulu faire la même chose, c'est-à-dire de battre et combattre pour la gloire humaine. Oui, mais quand même, des hommes. Même si vous n'aimez pas le mot, la grande vedette de musical qui reçoit la Croix de guerre, la Croix de Résistance, oui. La Légion d'honneur. La Résistance, oui. C'est ça, Croix de guerre avec Palme et tout ça. Je ne crois pas que c'est tellement intéressant. C'est pour moi, ça me fait plaisir, mais vous n'êtes pas venu pour entendre parler de tout ça. Ça fait un petit peu... Il y a tellement de gens qui ont mérité beaucoup plus que ça et qui n'ont pas eu. Alors moi, je trouve que ce n'est pas tellement... Enfin, j'ai faisais mon devoir de résistante... etc. J'ai commencé en France et de la France, je suis allée en Afrique du Nord jusqu'en Égypte, etc. Et en Allemagne ensuite et Indochine ensuite, qui est maintenant devenue beaucoup plus grave, Vietnam. De reste, toutes les guerres sont atroces, je trouve. J'aime pas ça. Harry, chérie, ton chic naturel est resté le même. Tu reviens. Sur la chanson « Paris chérie » que Joséphine Baker va chanter à la libération de Paris en 1944, vous l'entendiez à nouveau à l'émission « Le sel de la semaine » animée par Fernand Seguin en 1968. Angélique Delabarre, quel rôle jouera Joséphine Baker durant la Seconde Guerre mondiale? Alors, un rôle assez fascinant qui m'a beaucoup intéressée dès que j'ai creusé un peu plus le personnage de Joséphine Baker. C'est-à-dire qu'elle rencontre en 1939 un certain capitaine Apté, et c'est lui qui est le deuxième bureau du contre-espionnage français. Et elle va lui dire, voilà monsieur, je veux me donner à la France, faites de moi ce que vous voulez. Effectivement, elle s'est révélée très efficace puisqu'elle cachait des messages codés dans ses partitions de musique. Et à cette époque, elle commence à louer le château des Milan. Donc, elle a aussi caché des armes, des amis juifs et tout un repère de résistants, puisqu'ils sont aussi dans le maquis, bien sûr, mais ils gravitent autour du château. Et ça, c'est l'année 40 où même elle entend l'appel du général de Gaulle le 18 juin. Et c'est là où elle va véritablement s'engager. Elle ne connaît pas ce général. Elle est en fait, elle a une autre hiérarchie. Hein. Et donc avec ce capitaine, ils vont entretenir effectivement une relation amicale. Et surtout, elle va en fait servir d'honorable correspondante. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle va récupérer des messages qu'elle garde dans son soutien-gorge, des documents confidentiels sur l'occupation des blindés allemands dans le sud. De la France. Donc, à plusieurs reprises, elle aurait pu être fusillée. Non, elle passe la frontière entre les zones libres et les zones occupées parce qu'elle signe des autographes. Les Allemands la reconnaissent. Elle a quand même chanté à Berlin bien avant la guerre. Oui. Ça m'a toujours fascinée parce que... Alors, elle a épousé en troisième mariage, donc, Jean Lion. Donc, c'est grâce à Jean Lion qu'elle a la nationalité française. Et elle se sent totalement française, puisque un peu abandonnée par les Américains. Ouais. Un peu abandonnée par les Américains, qu'elle va quand même, à nouveau, au début des années 50, chercher à retrouver. Nouveau retour pour elle aux États-Unis. Comment ça va se passer cette fois-là, Angélique Delabarre? Alors, elle a juste précisé que pendant la guerre, elle a voulu chanter pour les troupes alliées américaines qui avaient débarqué fin 1942 à Marrakech. Et là, ça ne se passe pas bien parce qu'ils ne veulent pas des Noirs dans le public au niveau des militaires. Donc, ça sera la même chose en 1951 quand elle revient. Elle fait une tournée et là, elle s'aperçoit que certains théâtres dans le Sud, évidemment, lui refusent notamment les Noirs dans son public. Donc, elle exigera des clauses de non-discrimination dans ses contrats et beaucoup de directeurs de théâtre vont lui refuser, bien entendu, puisqu'elle sent que son pays, c'est encore beaucoup de ségrégation et de discrimination. Donc, il y a aussi un moment fatidique dans sa vie en 51, quand elle est au Stork Club à New York. Elle est dans ce restaurant et elle ne sera pas servie parce qu'elle était noire. Elle va attendre plus d'une heure pour être servie. Et là, dans la même salle, il y avait donc Grace Kelly qui a vu toute la scène. Et à ce moment-là, elles sont devenues très amies parce que Grace Kelly a soutenu Joséphine. Et il y aura eu dans les journaux des choses atroces sur elle. Après, on dira des horreurs parce qu'un journaliste ne l'avait pas défendue, évidemment. Ouais. Donc, parole, engagement, on le voit bien, engagement durant la Seconde Guerre mondiale, engagement pour la question des droits civiques, Jean-Pierre Le Delaunay. Quelle place avec ce voyage aux États-Unis où elle ne se gêne pas du tout là, pour dénoncer le racisme ambiant dans ce pays à cette époque? Quelle place elle occupe? Quelle importance elle va avoir dans ce mouvement pour les droits civiques qui commence de plus en plus à s'organiser? Elle ne se gêne tellement pas que le FBI monte un dossier sur elle, un dossier volumineux. J'aimerais rappeler que le 20 mai 1951, l'Association de défense des droits des personnes de couleur aux États-Unis, la NAACP, déclare le 20 mai 1961 la journée Joséphine Baker, afin justement de reconnaître son implication dans la lutte pour les droits civiques. En fait, l'après Deuxième Guerre mondiale, les Afro-Américains se lancent dans une campagne qu'on appelle la campagne du W. Après la victoire contre le nazisme, il faut combattre et obtenir la victoire contre le racisme. Alors Joséphine Baker joue un rôle qui n'est pas négligeable dans ce combat-là et qui s'inscrit dans un combat plus large. Ouais. Joséphine Baker est porte-parole de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Elle chante pour la Croix-Rouge et puis elle joue un rôle qui n'est pas crucial, mais elle joue un rôle incontournable, finalement, de correspondante. Elle correspond avec les grandes figures des luttes pour les droits civiques. Et en 1963, elle joue au Carnegie Hall, qui n'est pas un lieu neutre, qui incarne finalement la grande musique américaine. Elle donne un concert bénéfice pour les trois grandes associations de défense des droits des Noirs. Ouais. Comment est-ce qu'on part, Stanley Payen? Elle ne sera pas la seule chanteuse noire à avoir une parole engagée, à se joindre au mouvement des droits civiques. Nina Simone, d'autres. À Nina Simone, comment est-ce qu'on part à ces autres chanteuses? Ben, elle, au niveau de l'engagement, c'est aussi exemplaire que les autres, que Nina Simone, que Maya Angelou, que toutes ces figures qui ont été vraiment Abby Lincoln, qui va faire Freedom Now. Elle est aussi importante parce que ce sont des icônes qui osent prendre la parole. Une parole qui a été bafouée, une parole qu'on a censurée, mais elle va à l'avant-scène pour dire ces choses-là et chanter donc pour amasser des fonds. Ça reste un symbole hyper important. Et en plus, c'est cette héroïne de guerre de la Deuxième Guerre aussi. C'est pas n'importe qui prend la parole. Elle avait déjà prouvé son engagement pour l'humanisme. Ouais. Tout à l'heure, on l'a entendu dire, elle a pas dit « je suis allé pour la défense de la France ». C'est l'humain qu'elle veut défendre. Ouais. Le monde libre, l'humain. Monde libre. Le château de Milan, on s'en va dans votre pays, du côté de chez vous, Angélique Delabarre. parlons du début, en fait. Vous l'avez un peu évoqué. Ça commence à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Mais comment elle se retrouve en fait à Milan et à quoi va ressembler sa vie là-bas? Alors, elle découvre la Dordogne et les Milandes lorsque l'un de ses amis, M. Meunier, des Chocolats Meunier, l'invite à venir dans le sud-ouest. Et en fait, à ce moment-là, elle a la chance aussi de rencontrer en même temps la propriétaire du château à l'époque, une propriétaire qui est aussi américaine et qui ne souhaitera pas, en fait, vivre au château toute l'année. Elle est plutôt aux États-Unis, entre les États-Unis et Paris aussi. Et là, elle a un coup de cœur qui la pousse à d'abord louer le château parce qu'elle a envie de s'imprégner des lieux. Et puis, la guerre approche, donc elle le loue. Et ensuite, elle l'achètera en 1947. Et là, c'est amusant parce que je viens de retrouver des photos également où on voit qu'elle commence à s'installer. Mais le château est quand même dans un mauvais état. La chapelle également. Et elle a ce coup de cœur extraordinaire pour le château. Elle est aussi, elle se marie avec Joe Bouillon le 3 juin, le jour de son anniversaire. en 1947, et va commencer une période extraordinaire de création. Elle, c'est pas que dans la création des chansons, c'est vraiment, elle construit tout un théâtre pour elle, pour se produire avec son époux Jo Bouillon, qui est premier prix de violon, chef d'orchestre. Et tous les deux ont cet idéal donc, de fraternité. Donc le château et l'écrin de leur bonheur d'abord. Ouais. Et cet idéal de fraternité, ça va passer par un projet qui peut avoir l'air un peu fou au départ, ce qu'on va appeler le projet de tribu arc-en-ciel. C'est vraiment au cœur de la vie au château d'Émilande. On écoute Joséphine Becker parler de son rêve à l'émission La Revue de l'actualité en 1955. Quelle est la raison pour laquelle vous avez décidé de, interrompre votre carrière définitivement? Il y a seulement une raison. Oui, il y a une raison. C'est que je suis enfin devenue maman. Ah. Oui, j'ai attendu ça de longues années. Et finalement, j'ai eu de la chance d'adopter 8 petits garçons. Ah oui. 8 petits diables, nous disons, mon mari et moi. Qui sont tout jeunes, je suppose. Tout petits, tout petits. Si vous me permettez, je vais donner la liste des pays d'où viennent ces petits-enfants que vous avez adoptés. C'est ça. Il y a un Sénégalais. Oui. Il y a 2 Japonais. Juste. Un Finlandais. Oui. Un Indien. Oui. Un petit garçon de la Colombie. C'est juste. Et 2 Parisiens. C'est exact. Mais alors, comment réussir à mettre un peu de cohésion et d'entente au sein de toute cette petite famille et tous ces petits-enfants? C'est pas difficile, vous savez, monsieur. Vous savez, il y a des gens qui disent que des gens de différentes races ou différentes religions ne peuvent pas vivre ensemble en fraternité. Oui, oui. Moi, je prétends au contraire qu'ils peuvent. C'est pour cela que j'ai adopté tous ces petits-enfants et je garde leur religion parce que je voudrais que les gens sachent qu'au contraire, nous sommes tous fils de Dieu. Donc, chacun de nous autres peut avoir notre religion, puisque la religion, pour moi, c'est une expression de notre âme. Alors, Angélique Labarre, pourquoi elle décide, Joséphine Becker, de se lancer dans cette folle aventure, ce qu'elle va appeler sa tribu arc-en-ciel? Mais je crois que, comme vous le dites, elle fait les choses très naturellement. Rien n'est calculé, en fait, chez Joséphine Becker. C'est ça aussi le souci. C'est qu'elle aime les enfants, donc elle a envie d'avoir ses propres enfants. Elle ne peut pas en avoir suite à la guerre et à des occlusions intestinales à répétition. Et là, elle en adopte 1, 2, 3. Alors, au départ, avec Jo Bouillon, il n'en souhaite que 5, parce que Jo Bouillon disait, oh là là, j'en veux 5 et puis je ne veux que des garçons parce que les filles, c'est compliqué. Bon, alors, en réalité, elle, dès qu'elle rentre d'une grande tournée à l'étranger, elle ramène un enfant du pays. Ouais. Et Akio, son fils aîné, m'a toujours raconté que lorsqu'ils ont été adoptés au Japon avec son frère Jeannot, eh bien, Joséphine ne devait pas aller chanter, mais elle devait vraiment adopter un enfant. Puis finalement, elle en a profité pour chanter. Mais elle crée une famille. Et à chaque fois, au lieu d'aller à la maternité, les enfants se retrouvent à la gare pour récupérer le petit dernier qui vient d'être adopté. Donc, tout ça entre 1953 et 1961. C'est extraordinaire. Une vraie famille. Ouais. Et en 1969, ce fameux château d'Émilande, qui est votre château maintenant, elle doit le quitter, Joséphine Becker. Ce sera difficile pour elle. Racontez-moi un peu comment elle va vivre son départ d'Émilande. Oh non, mais ça sera un énorme déchirement. Elle n'aura jamais voulu vendre l'Émilande. Elle a été obligée de le vendre aux enchères en 1968. Et il y a eu vraiment une chose abominable, c'est-à-dire qu'il y a eu une entente entre plusieurs personnes pour qu'il n'y ait pas d'enchères. Joséphine a donc pris des avocats et elle ne pourra pas récupérer son château puisque en 69, le nouveau propriétaire veut la mettre dehors pendant la trêve hivernale et elle résiste. Donc elle a été résistante, elle est toujours là, la résistante de la guerre, et elle va se barricader dans la cuisine à ce moment-là, qui est une pièce où on ressent énormément d'émotions au château. Là, elle ferme les 3 portes, elle s'installe, elle va vivre 3 jours dans cette cuisine avec un lit, avec quelques chats. Les enfants seront à l'abri à Paris, chez des amis et dans la famille. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le nouveau propriétaire la met dehors. Et c'est cette photo qui est terrible, où on la voit sur les marches de la cuisine, abandonnée par tous. C'est la seule photo que j'ai au château, d'ailleurs, où Joséphine ne sourit pas, où elle est totalement éteinte. Et Akio me dira, maman ne nous a pas reconnus pendant 15 jours. Ça a été un épisode des plus douloureux de sa vie, parce que les Milandes faisaient partie, en fait, Elle considérait les Milondes comme son 13e enfant. Elle avait des ambitions extraordinaires de monter effectivement un collège de la fraternité universelle, ce qu'elle n'aura pas pu faire. Mais ce qu'elle a réussi aujourd'hui, c'est de faire comprendre aux gens que des enfants de nationalités et de religions différentes peuvent cohabiter ensemble, parce que grâce à l'amour en fait, d'une maman et d'un papa aussi. On dit qu'au-delà des mers, là-bas sous le ciel clair, il existe une cité au séjour enchanté. Et sous les grands arbres noirs, chaque soir, père s'en va tout. Deux amours repris par la chanteuse Zaz en 2014. C'est déjà le moment de s'attaquer à l'héritage de Joséphine Baker. Commençons sur le plan musical. Stanley Péan, Zaz, c'est une reprise de ce succès, de cette chanson célèbre de Joséphine Baker. C'est vraiment la chanson c'est la de chanson. Joséphine Baker. Elle a chanté autre chose qui a eu du succès, Paris Chéri, qu'on a entendu tout à l'heure. Elle a chanté Vous faites partie de moi. Elle a chanté Voulez-vous de la canne à sucre. Il y en a des succès de Joséphine Baker, mais une chanson aussi emblématique d'une artiste, d'une époque, de concert aussi de cette idée qu'on peut aimer Paris et d'être ailleurs. Oui. Vraiment, elle incarne tout ça. Et c'est une chanson qui est vraiment devenue un standard. Je pourrais vous faire entendre, à part Zaz, une centaine d'autres chanteuses qui la chantent. Est-ce que c'est un succès et la trace, l'héritage qu'elle nous laisse sur le plan musical, est-ce que ça se limite à la France ou c'est plus que ça? Je crois que cette chanson a fait le tour du monde. Oui. Vraiment. Et surtout celle-là, parce que, comme je dis, les autres choses qu'elle a faites ont eu du succès au moment où elle les a faites, mais il nous reste peu de souvenirs de Joséphine Baker chantant le reste du répertoire. Elle a aussi chanté des standards anglophones. Angélique Labarre, l'héritage très concret, matériel, les traces que nous laisse Joséphine Baker, vous êtes un petit peu la gardienne, d'une part, en tout cas, de cet héritage-là, comme propriétaire du château des Milondes. Il y a ce musée dont on parlait au tout début. Parlez-nous de ce qui reste de Joséphine Baker très concrètement. Alors, j'ai dû récupérer beaucoup de choses suite à notre arrivée au Milondes, parce que tout avait disparu, quasiment. Malheureusement, beaucoup de gens ont profité de Joséphine, et donc tout s'est éparpillé un peu partout en Dordogne, en France et dans le monde. Et j'évite de racheter des meubles qui étaient peut-être à elle, mais que les gens ont volé, parce que c'est beaucoup arrivé. Alors aujourd'hui, évidemment, j'ai la plupart des costumes connus qu'elle a portés, donc plutôt à l'Olympien. Donc j'ai des costumes aussi, des Folies Bergères jusqu'à Bobino. Ma dernière acquisition, c'est une belle combinaison blanche qu'elle porte lorsqu'elle est sur une Harley Davidson. Et avec sa perruque, une casquette, les bottes sont intégrées dans la combinaison. Donc voilà, j'ai ce genre de costume où elle, en 73 au Carnegie Hall, elle porte une combinaison noire, je l'ai également. Joséphine était très, très musclée, très fine, alors on a des choses magnifiques, des robes multicolores, voilà. Et qui vient voir le château? Que cherchent ceux qui viennent chez vous au château des Milondes? Alors, ils viennent ressentir une émotion particulière parce que j'essaie de transmettre cette émotion dans les pièces. Et les gens, quand ils ressortent, ont l'impression qu'ils vont voir Joséphine au coin d'une porte. Ouais. Et c'est ça qu'ils recherchent, une émotion avec Joséphine Baker. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de repères. Et j'estime que Joséphine, comme elle est pour moi un repère, je pense qu'elle peut l'être pour beaucoup d'autres personnes. Ouais. Un mot en terminant, Jean-Pierre Le Glenec, pour situer un peu le personnage dans un contexte plus large, toujours sur l'héritage. Qu'est-ce qu'elle incarne? Qu'est-ce qu'elle représente, cette figure de Joséphine Baker, quand on regarde l'histoire des Noirs dans son ensemble? Ben, si on regarde un petit peu l'héritage des luttes noires, on pense généralement à des figures masculines. Bon, Martin Luther King, bien sûr, avec qui d'ailleurs Joséphine Baker correspond. On pense à Richard Wright, qui est à Paris dans les années 1950, à James Baldwin, mais il y a aussi des figures féminines dont on a déjà parlé ici, Rosa Parks, Fannie Lou Hamer, et puis évidemment Joséphine Baker qui traverse le 20e siècle. Comme Martin Luther King parlait d'une table de la fraternité le 28 août 1963 à Washington dans son discours du rêve, table de la fraternité, de la table de la fraternité au collège de la fraternité universelle, je pense qu'on peut faire et qu'on doit faire le lien. Jean-Pierre Ledelenec, merci à tous les trois. Jean-Pierre Ledelenec, d'abord, professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke, spécialiste de l'histoire des Noirs. Stanley Péan, animateur de l'émission « Quand le jazz est là » à Ici Musique. Et Angélique Delabarre, propriétaire et gestionnaire du Château des Milandes, qui nous parlait depuis Périgueux. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Merci. Merci à vous. Merci également à Mathieu Beauchamp, à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Guy Charbonneau. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Comme un doux secret, comme une indicible joie, vous faites partie de moi. Phrase pleine de douceur, j'avais voulu tout au début le chasser de mon cœur. Mais j'ai compris que ce cœur pris en faisant déjà sa voix, vous faites partie de moi. Mais jamais je ne le croirai et vous resterez tout au fond de moi.